tout à fait. Oui. Ils sont à la Cinémathèque, oui. Et ils ont été mis en cassette. Donc, alors l'intérêt des films de Christian Pelleras, comparé à ceux de Plozévet, c'est en fait, bon, ceux de Plozévet, on voit très bien que c'est une équipe de cinéastes qui vient avec bon, un peu plus de technique quand même, il y a prise de preneur de son, caméraman, etc., une préparation thématique, alors que Christian, lui, filmait avec une petite caméra Super 8, disons, ce qu'il observait directement sur le terrain. Et au fond, je le retrouve, moi, une très grande authenticité dans les films de Christian Pelleras. Ouais. Alors, évidemment, sa caméra est assez malhabile, bien qu'il ait eu des cours de cinéma. C'est-à-dire qu'on on leur apprenait à l'époque, au centre de formation d'ethnographe, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui. On leur apprenait à manier la caméra avec, d'ailleurs, c'était Roger Morière. Les Princes, à l'école. Non, avant Les Princes. Avant Les Princes. Et donc, lui avait appris à manier la caméra. Mais ces films sont très très intéressants. La cassette fait plus de 2h30. Elle est vraiment passionnante. Il y a eu notamment un montage qui a été fait sur la journée d'une paysanne qui est assez extraordinaire, de voir effectivement tout le travail disons féminin à la ferme, qui est une chose disons dont on ne parlait pas. On parlait des hommes qui allaient aux travaux, les femmes étaient... Bon. D'ailleurs, on voit dans les films Gessin, les femmes, les agricultrices sont vues uniquement à la voir le commentaire dire en train de papoter, et où aller porter à boire aux braves paysans qui sont en train de faucher. Voilà. Mais alors que là, la journée de la femme, l'agricultrice, est passionnant. Ou aller au marché. Je crois que les films, quand même, avaient insisté sur certains rôles très importants de la femme dans le monde paysan, qui est le contact avec le monde extérieur. Un petit peu. À une époque où encore le féminisme n'était pas très... N'avait pas traversé l'Odet. N'avait pas traversé l'Odet, comme dit... Bon,